Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, automne 44, quand les rats quittent le navire. Cette année-là, l'histoire s'accélère. Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. Le 19 août, la libération de Paris commence. Le 20, l'occupant allemand demande au gouvernement français de quitter Vichy et d'aller s'installer en Allemagne. Pétain rechigne, mais finit par céder, bon gré mal gré. Le 8 septembre, il arrive à Sigmaringen. C'est là que ce qui reste du gouvernement de Vichy prend ses quartiers dans le château de cette petite ville du sud de l'Allemagne qui domine le Nadum. À Sigmaringen, un gouvernement fantoche se met en place. Il s'appellera successivement Délégation gouvernementale française pour la défense des intérêts français en Allemagne, puis Commission gouvernementale française pour la défense des intérêts nationaux. Pendant 7 mois et 22 jours, loin du chaos de la guerre, va se jouer un mélodrame dans un décor d'opérette et une atmosphère de désenchantement. Que va-t-il se passer dans ce château? Les archives sont rares. Nous allons donc vous raconter en 6 actes ce mélo suicidaire qui marque à la fois la fin du collaborationnisme, cette tendance dure de la collaboration, et celle du gouvernement qui, à Vichy, a dirigé la France pendant 4 ans, fossoyeur de la République. Sigmaringen ou le crépuscule des odieux. Notre invité aujourd'hui, l'historien Jean-Paul Cointet. Il a publié en 2014 le livre intitulé tout simplement Sigmaringen, c'est un puce Perrin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, un récit documentaire de Bertrand Roté, Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouen, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Sigmaringen, premier acte. Nous croisons tout d'abord Bernard Ménétrel. Il est le médecin personnel de Pétain. Planté devant le château, il s'adresse à un ami fraîchement arrivé. Il est très énervé, le docteur Ménétrel. Céline, Louis-Ferdinand Céline. Lui pour me remplacer comme médecin auprès du maréchal. Mais on rêve. Pourquoi pas Brasillac? Tant qu'on y est. Encore une idée de Brinon, ça. Notre chef de gouvernement, nommé par les nazis. Il ne comprend décidément rien à rien. Le médecin de Pétain finit par se calmer. Il désigne alors le château de Sigmaringen à son interlocuteur et joue les guides de voyage. Un vrai château de conte de fées, non? Regardez, avec ses tours de tous les côtés, ses 400 pièces. Qui dit mieux? Eh bien, c'est Lynn, monsieur. Oui, il faut le génie et la folie de l'écrivain dans un livre intitulé « Un château l'autre » pour le décrire. Sigmaringen, pourtant quel pittoresque séjour. Vous vous diriez en opérette, le décor parfait. Vous attendez les sopranos, les ténors légers. Pour les échos, toute la forêt. 10, 20 montagnes d'arbres, forêt noire, déboulés de sapins, cataractes. Votre plateau, la Seine, la ville, si jolie, fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabaret, hôtel, boutique, biscornu pour metteur en scène. Tout style, baroque boche et cheval blanc. Vous entendez déjà l'orchestre. Le plus bluffant, le château. La pièce comme montée de la ville. Stuc et carton-pâte. Céline n'est pas le seul à se moquer. À Londres, Pierre Dac n'est pas en reste. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Et Bernard Ménétrel, le médecin, fait toujours le guide et le tour du propriétaire. Enfin, surtout celui des locataires. Voyez-vous, le château est réservé aux dignitaires. Chacun son étage. Les appartements les plus nobles ont été attribués à Pétain. Oh, il n'en sort que pour aller se promener, on ne voit pas beaucoup. Les mauvaises langues disent que je suis responsable de son mutisme. C'est mal connaître Pétain. Malgré ses 88 ans, il prend ses décisions tout seul, vous savez. Alors, l'étage du dessous est occupé par Laval. On ne le voit pas beaucoup, lui non plus, celui qui était chef du gouvernement à Vichy. Il rumine, il n'est pas content. Alors on dit qu'il prépare sa défense pour le jour où il sera attrapé. Bon, d'aucuns prétendent qu'il apprend l'allemand. Bien, là, au premier étage, c'est le gouvernement de Fernand Brinon. Alors lui, il ne vient pas de Vichy, hein, c'est un collaborateur parisien, pur produit du régime nazi. Il entretient avec les Allemands, disons, une vieille relation. Il a rencontré Hitler dès 1933. Les intellectuels, ah, eux sont en centre-ville, logés dans des hôtels. Louis-Ferdinand Céline vit au Leuven et Lucien Rebattet au Bern. Céline, inévitable personnage de Sigmaringen. En décembre 1944, la journaliste Karine Acter publie dans La Toison d'Or, l'hebdomadaire dirigé par Léon de Grelle, collaborateur belge notoire, un reportage titré « Une colonie française en Allemagne du Sud ». Elle y relate sa rencontre avec le docteur Destouches, alias Céline. Il est difficile de parler de Louis-Ferdinand Céline. Il y a des gens qu'on croise, des gens dont on serre la main, des gens qu'on affronte, des gens qu'on aime. Louis-Ferdinand Céline est quelqu'un qu'on subit. Il est presque impossible de se dérober à l'emprise de sa personnalité. Il est là, vêtu comme tout le monde d'une Canadienne, et il n'y a que lui. Il porte un sac de toile fermé par une tirette autour du cou d'un gros chat. Céline parle, et il émane de lui une douceur dont on ne sait pas si elle est la douceur propre à beaucoup de médecins ou un prélude à une cruauté. Je tente de déchiffrer ce masque qui n'est plus jeune. Les yeux sont très beaux. Les traits s'estompent sous l'expression sans joie, presque douloureuse, qui couvre la face. Acte 2. Au Bern, la grande taverne sur la place, deux fonctionnaires du gouvernement parlent avec une reporter du journal La France, le quotidien créé par André Luchaire, la voix officielle de ce gouvernement en exil. Ils sont attablés, ils racontent en détail la vie du premier étage, celui du gouvernement. Le plus âgé emprunte un ton goguenard. Comme il n'y a rien à foutre, faut faire semblant, se donner du travail. Ici, les gens n'ont rien à faire, pas grand-chose. Alors l'objectif, c'est de faire illusion, voyez-vous. En plus, ça c'est off, hein. Je vous le dis, moi, tous se détestent. Chacun veut imposer comme le seul leader de la collaboration. À l'instar d'une ambassade, la commission gouvernementale bénéficie d'un statut d'extraterritorialité. Un gouvernement français au cœur du Reich. Une petite France dans la grande Allemagne. On y hisse les couleurs, on y défile en chantant la Marseillaise. La milice est volontiers en gants blancs. Chacun y va de son discours devant des parterres clairsemés. Et la vie culturelle bat son plein comme si de rien n'était. Conférences, débats, pièces de théâtre, numéros de clown joués par un milicien. La croisière s'amuse. Le plus jeune des deux fonctionnaires s'adresse à présent à la journaliste. Il est plus tendu que son aîné. Dans la précipitation, nous sommes partis de Vichy les poches vides, pratiquement sans un franc ou un Reichsmark. Nous dépendons financièrement de nos hôtes. Voilà pourquoi les premiers conseils des ministres ont été consacrés aux négociations à mener avec le gouvernement allemand pour le taux auquel le Reich nous prête de l'argent. Comme s'il n'y avait rien de plus important. Enfin, c'est surréaliste. Le plus âgé lui coupe la parole. Toujours goguenard, mais désabusé. Surréaliste, en effet. Nous avons quelques mois d'espérance de vie, il négocie les taux d'intérêt, enfin. Bon, chacun essaie aussi d'organiser son ministère ou son secteur. Et là, c'est intéressant, parce que nous pouvons revendiquer un peuple, puisqu'il y a en territoire allemand un certain nombre de citoyens français. Notre micro-gouvernement peut faire valoir ses prérogatives sur les prisonniers, les travailleurs, les combattants. Il y a une population à gouverner. Les plus nombreux sont les prisonniers de guerre. En 40, l'armée allemande a fait prisonnier 2 millions de soldats. Même si une partie d'entre eux ont été libérés, il en reste plus d'un million en 44. Certains travaillent pour les Allemands, d'autres sont encore internés, regroupés dans une centaine de camps. Le général Bridou, ancien ministre de la Défense, en prend la responsabilité, mais le Reich, à court de manœuvre, rêve de mettre tous ses bras au travail. Les hommes du STO, le service du travail obligatoire, constituent également un effectif important. Ils sont alors 700-800 000 qui vivent et travaillent en Allemagne. Ils sont cadres, agents de maîtrise, ouvriers, indispensables à l'industrie de guerre allemande. qui, malgré les bombardements et la pression des alliés, reste encore capable de nourrir, vêtir, armer, approvisionner une armée qui demeure redoutable. Marcel Déa, ministre du Travail, va se déclarer responsable de ses travailleurs. Le STO avait été instauré en 1943. Les médias de la France collaborationniste y voyaient, sans rire, un moment exceptionnel dans la vie de notre belle jeunesse. Et voici que le train démarre. Aux portières, tous nos jeunes amis nous font au revoir. Les fanions des ateliers mécaniques de la Seine sont agités. Vous l'avons dit, ces jeunes partent dans les meilleures conditions possibles. Ils vont faire un beau voyage, ils vont découvrir un pays nouveau. Et quand ils reviendront, ils auront acquis un beau métier qui leur servira pour l'avenir. Restent les forces combattantes, beaucoup moins nombreuses. Elles sont constituées de la 33e Waffen-SS, plus connue sous le nom de Division Charlemagne, composée de 7000 hommes majoritairement français, mais placés sous les ordres de l'armée allemande. Cette unité est créée par un décret de gouvernement signé à Vichy le 22 juillet 1943 par Pierre Laval. Le chef du gouvernement, vu les actes constitutionnels numéro 12 et 12 bis, le conseil de cabinet entendu, décrète. Article 1er. Les Français peuvent contracter un engagement volontaire pour combattre le bolchevisme hors du territoire dans les formations constituées par le gouvernement allemand, Waffen-SS, pour y être groupés dans une unité française. Article 2. Ceux qui appartiennent à cette unité combattront effectivement hors du territoire. Fait à Vichy le 22 juillet 1943. Enfin, ceux qu'on appellera les SS français d'Hitler. Il faut ajouter une partie de la milice qui a suivi le gouvernement de Vichy. C'est Joseph Darnan qui dirige cette engeance. Les miliciens seraient entre 5000 et 7000, accompagnés pour la plupart de leurs familles. Acte 3. Nous sommes dans la pénombre d'une salle de projection de Sigmaringen. Sur l'écran, on voit des images en noir et blanc, des chars, des coups de canon. Tout le gouvernement est présent avec épouse et enfants. Ils sont radieux. L'Allemagne va gagner, c'est évident. Hitler a surpris tout le monde. Profitant d'une période de mauvais temps qui interdit aux Américains et aux Anglais d'utiliser leur reconnaissance aérienne, il attaque. Nous sommes le samedi 16 décembre et la bataille des Ardennes commence. Un véritable uppercut. 3000 canons, 275 000 hommes, 2600 panzers. Ses plus gros chars, ses nouveaux armements, les meilleurs chefs, les troupes les plus prestigieuses, les meilleures divisions SS, l'Allemagne guerrière montre ses muscles, qu'elle croit encore solides. Tout au long des actualités, Jean Luchaire apprécie en expert. À Sigmaringen, il est responsable de la propagande. À plusieurs reprises, il a admiré le savoir-faire de ses amis, Goebbels en tête, avec ses moyens et ses techniques éprouvées. Mais lui, le français, bonimenteur de pacotille dans l'enclave de Sigmaringen, n'a sous sa responsabilité qu'un journal, La France, et une radio, ici La France. Pourtant, il n'a pas à se plaindre. Dans cette petite ville du Land de Bade-Wurtemberg, son ministère occupe plus de 700 salariés. Le montage des images effectuées pour la propagande de Goebbels ne montre évidemment que l'héroïsme et la détermination des SS et de la Wehrmacht. Rugissante, leur énergie est perceptible dans les mâchoires serrées, dans les sauts de l'infanterie dont les chargeurs des fusils mitrailleurs crachent des douilles à jet continu. Les chars allemands sont alors filmés comme des félins, comme des tigres, comme des lions. De fait, les tout derniers tanks allemands, Tigre et Panther, sont bien plus efficaces que les Sherman des Américains. Sur la pellicule, les soldats américains et anglais se rendent. Le spectateur découvre alors de jeunes hommes tout frais arrivés des États-Unis qui se rendent massivement et se font parquer comme des moutons. Dans deux semaines, nous sommes de retour à Paris, s'enflamme Luchaire avant la fin du générique. Et il se retourne vers l'Assemblée. Et bien voilà, la victoire a changé de camp. Il fallait juste attendre un peu, regardez. La suprématie allemande, regardez la puissance de leur matériel. Et encore, on n'a pas vu les V1, on n'a pas vu les V2. L'Assemblée applaudit, Marcel Déa exalté se lève, à Paris, vive l'armée allemande, vive Hitler. Il faut reconnaître que la propagande nazie marche encore à plein. À sa tête, Joseph Goebbels, donc, qui le 19 avril 1945, soit 11 jours avant de se suicider, croit encore à la victoire nazie, ou fait semblant. Au lieu du drapeau blanc de la soumission, nous hisserons le vieux drapeau à croix gammée d'une fanatique et sauvage résistance. Nous remercions Dieu de nous avoir donné en cette époque terrible et grandiose un vrai chef. Et nous montrerons à nos ennemis qu'ils peuvent nous blesser, mais pas nous tuer, nous battre jusqu'au sang, mais pas nous soumettre, nous torturer, mais pas nous décourager. La victoire fait long feu. Quelques jours plus tard, au dîner de la délégation gouvernementale française, l'exaltation est retombée, ces messieurs pérorent beaucoup moins. À Paris, la radio française « libérée » entre guillemets donne de nouvelles encourageantes. Dans l'enfer frigorifique et mortel des Ardennes, les Allemands, conduits par le général von Rundstedt, sont en train de perdre la bataille et la guerre. L'événement nouveau, favorable, de la bataille des Ardennes, c'est le retour en scène de l'aviation alliée. Jusqu'au 23 ou 24, les conditions atmosphériques extrêmement défavorables avaient cloué sur le terrain des aérodromes les bombardiers et les chasseurs anglais et américains. Von Rundstedt en avait habilement et rapidement profité pour pousser à fond ses avantages initiaux. Désormais, ce handicap imposé par le temps aux alliés n'existe plus. Désormais, les alliés bénéficient à plein d'une supériorité aérienne écrasante que tous les efforts de la Luftwaffe, malgré ses appareils nouveaux, ne seront jamais capables de contrebalancer. L'aviation alliée est passée à l'offensive de toutes ses forces, se livrant à des opérations massives sans précédent dans l'histoire de cette guerre. Les nouvelles du front qui arrivent à Sigmaringen sont moins fréquentes, plus lacunaires. La propagande est bien moins efficace. Et ils sont de moins en moins nombreux à y croire. Luchère et Déa font partie des éternels optimistes. En revanche, Brinon, le chef du gouvernement, s'est mis à douter, lui aussi. Un soir, lors d'un dîner mémorable, il appelle ses troupes à un peu plus de lucidité. « Calmez-vous, Luchère. On vient m'annoncer que la Wehrmacht a des problèmes d'approvisionnement, surtout en essence et en munitions. » Tous ces hommes se haïssent, il faut le rappeler. Et c'est encore à Louis-Ferdinand Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui est un peu le sien et celui de ses complices à Sigmaringen, que l'on doit ce mot assez génial, soit dit au passage, une communauté réduite au caquet. L'habitant du château, depuis belle lurette, n'a plus pointé la tête dans les couloirs d'en haut. De ses chambres d'amis n'a plus poussé la porte, le diable les emporte, les amis sont enfuis. Ne reçoit plus beaucoup, les sentiments sont fatigants, dans sa bouche sa langue se noue. L'habitant du château a oublié la salle où se tenaient les bals dessous les lustres hauts. Sur les parquets cirés, la poussière se pose, les meubles en bois de rose finissent démembrés. Ne fais-toi plus beaucoup, genoux cagneux, dos plein de nœuds, pour chanter sa gorge sans roue. Château répudie la cuisine, ignore les bassines, néglige les fourneaux. Les souris font leur nid dans les placards qui baillent, laissant les victuailles se répandre en tapis. Ne mange plus beaucoup, trouve trop dure la nourriture, et puis finalement s'en fout. L'habitant du château ne connaît plus la pièce où les autres s'empressent de gaspiller de l'eau. Des toiles d'araignées décorent la baignoire et les cafards vont boire au lavabo rouillé. Se lave plus beaucoup, serviettes lourdes et savons fourbes ont rendu la douche taboue. Du château a condamné la chambre où des ombres trop tendres ont troublé son repos. Les armoires fermées retiennent leurs fantômes et meurent les arômes dans le lit déserté. Il ne dort plus beaucoup, juste somnole, alors s'affole au réveil sa mémoire floue. Mais dans le ventre chaud de sa bibliothèque, enroulé bien au sec, l'habitant du château dévide tout le fil de son imaginaire. Il voit grande lumière et son rêve est fertile. S'il ne bouge plus beaucoup, quelle importance, car c'est l'essence de sa vie qui le tient debout. S'il ne vit plus beaucoup en apparence, faites confiance, une flamme brûle en dessous. L'habitant du château ne lâchera pas de sitôt. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Sigmaringen, acte 4. Y aura-t-il un rebondissement inattendu? Nous voyons apparaître maintenant Jacques Doriot. Ce fervent collaborationniste n'était pas à Vichy. Pétain et Laval se méfient de lui et de sa soif de pouvoir. Il n'est pas non plus à Sigmaringen. Non, il a préféré s'établir au bord du lac de Constance, à 1 heure de voiture de là. Son but est clair, prendre le pouvoir, reprendre en main ce qui reste du gouvernement en exil. Doriot a un parcours surprenant. Fils d'un forgeron et d'une couturière, cet ouvrier métallurgiste devient un élément prometteur du Parti communiste français. Oui, communiste. Jusqu'au milieu des années 30, nombreux sont les commentateurs à lui prédire un grand avenir dans le parti. En revanche, il est en désaccord avec le Comintern, l'international communiste. Il pense que la politique classe contre classe a permis justement l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc qu'il faut à tout prix favoriser l'alliance des communistes et des socialistes, ou des sociodémocrates, pour éviter le désastre allemand et faire barrage aux nazis. En France, il interprète la journée sanglante du 6 février 1934 comme une tentative de coup d'État fasciste. Il réclame alors à corps et à cri l'unité de toutes les gauches contre le fascisme. Sous la pression du Comintern, il est exclu du PCF. Voilà Jacques Doriot sans parti. Maire de Saint-Denis, il décide alors de créer le Parti populaire français, le PPF. À l'origine rival du Parti communiste, le PPF va peu à peu glisser vers le fascisme. Pourtant, assez vite, après la défaite de 40, Doriot est exclu du cercle du pouvoir à Vichy. Son objectif d'instaurer un parti unique sur le mode fasciste déplaît au maréchal Pétain. Le chef du PPF va donc rester à Paris, où se trouvent alors les plus déterminés à un rapprochement avec l'Allemagne. Parmi ses collaborationnistes, puisque c'est le terme convenu pour les ultras, il se fait remarquer par son appui sans faille à la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui va devenir la Waffen-SS Charlemagne. D'ailleurs, il n'aime rien tant que de se faire photographier en uniforme allemand, Doriot. Lorsqu'il fuit la France pour l'Allemagne en 1944, Doriot ne va pas à Sigmaringen. Non, il n'aime pas Pétain. Quant à Laval, il l'exècre. Mais il est bien décidé à prendre le pouvoir. Et il trouve beaucoup de soutien dans le gouvernement fantoche de Sigmaringen. Alors si Brinon pouvait lui passer le flambeau, le Français qui rêve en vert de gris en serait fort aise. Mais le 22 février 1945, alors qu'il se rend à Sigmaringen dans ce but précis, sa voiture est mitraillée par un avion. À l'issue d'un itinéraire qu'il a mené de la gauche jusqu'au fascisme, Doriot passe l'arme à gauche, et un de moins. Et plusieurs hypothèses. Une taupe à Sigmaringen aurait renseigné les alliés, ou alors un assassinat fomenté par les Allemands. Mais pourquoi? Non. Pour l'historien Henri Rousseau, la thèse la plus généralement acceptée de la mort de Doriot est celle d'un mitraillage fortuit par des avions alliés. Cependant, tempère l'historien, il n'est pas exclu non plus qu'Hitler ait préféré garder le vainqueur de Verdun à la tête de ce gouvernement fantoche plutôt que d'avoir à gérer un ancien communiste. Les funérailles de Doriot constituent le chant du cygne pour les collabos, comme l'explique l'historien Henri Rousseau. L'enterrement de Doriot va être alors là la fin des espoirs, parce que tout le monde se rend bien compte que c'est l'enterrement de la collaboration. Alors c'est rare de pouvoir assister à son propre enterrement, mais je crois que tous les gens qui se sont rendus dans ce petit cimetière de Mengen qui se trouve à 2 ou 3 km de Sigmaringen, c'était véritablement ça. C'était la fin de leurs espoirs. C'est au-delà de la fin du monde. C'est vraiment c'est le crépuscule des dieux, quoi. Acte 5. Fin avril 1945. Prison de Fresnes. Deux militaires interrogent un civil. Vous êtes le secrétaire du maréchal Pétain? Oui. Enfin, j'étais. Bien. Récapitulons. La bataille des Ardennes est définitivement perdue par les Allemands le 15 janvier. Ça doit être ça, oui, mais vous le savez mieux que moi. Il faut quelques semaines aux forces alliées pour se reconstituer et repartir de l'avant. Dans la nuit du 30 et 31 mars, les troupes du général Delattre de Tassigny franchissent le Rhin. La campagne Rhin-Danube commence. Karlsruhe, puis Stuttgart sont prises après des combats homériques. C'est bien ça ? Je vous le répète, je suis le secrétaire du maréchal Pétain, par son stratège militaire. Quelle était l'ambiance à Sigmaringen? Ouf, c'est monté assez progressivement. Et ça s'est terminé par une belle panique. Les équipes de Luchère, avec leur journal et leur radio, nous ont monté le bourrichon, si vous me permettez l'expression. Leurs informations portaient presque exclusivement sur l'épuration en France. Ils ne parlaient que des femmes tondues, des exécutions sommaires, des procès bâclés. Le tout avec moult anecdotes sordides. On pouvait imaginer que Bridon et Luchère espéraient ainsi donner de la lande aux maigres troupes. D'ailleurs, plus Delattre progressait, plus les troupes françaises gagnaient du terrain. Plus ils en rajoutaient, à se demander si la France n'était pas devenue le journal de l'épuration. Puis un jour, les informations ont eu l'effet inverse. Tout Sigmaringen s'est mis à paniquer, parce que la pression était devenue trop forte. Vous comprenez, coincé entre le refus de se battre contre nos compatriotes et la peur de l'article 75 de la Constitution, celle qui porte sur la responsabilité juridique des fonctionnaires. Depuis que j'étais arrêté avec le maréchal, j'y ai beaucoup réfléchi, vous savez. Alors je répondrai à votre question, un peu des deux. Un peu plus tard, au même endroit, les mêmes militaires interrogent un autre civil, un peu plus âgé que le précédent. Vous êtes bien le chauffeur du maréchal? Oui, depuis longtemps déjà. L'un des deux militaires lit un papier. Le 23 avril, vous prenez la fuite avec le maréchal, quelques heures avant que les troupes françaises n'entrent dans Sigmaringen. Vous confirmez? Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Et vous êtes parti pour la Suisse? C'est ça. Les Allemands nous avaient permis de partir et les Suisses nous avaient donné l'autorisation de venir nous y installer. Puis le maréchal a changé d'avis, c'est bien ça? Oui. Oui, il a demandé à rentrer en France. Et vous savez pourquoi? Non. Enfin, il disait vouloir répondre de ses actes. Et ensuite, il est remis aux autorités françaises, c'est bien cela? Oui, c'est cela, oui, le 26 avril. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Dès son arrestation, Pétain est interné au fort de Montrouge, dans l'attente de son procès. L'homme qui porte sur sa manche tant d'étoiles ternies et sur ses mains tant de sang français se dira tout à l'heure solitaire de ce mont Valérien dont les murs ont retenti des 4000 salves qui abattirent 4000 patriotes, l'écho de ses coups de feu, l'écho des Marseillaises que chantèrent en mourant ceux qui voulaient préparer des lendemains qui chantent, est-ce le châtiment? Et la voix lui répondra, non, pas encore. Et certes, ce n'est pas tout le châtiment, mais c'est déjà un châtiment. Attendons maintenant que la justice sereine pèse les faits et les intentions, et laissons-la prononcer sa sentence. Elle nous importe moins désormais pour la punition du coupable que pour la clarté qu'elle doit jeter dans les esprits. Voilà, le mélodrame touche à sa fin. C'est le moment où tous ces personnages vont devoir rendre des comptes à la justice. Une justice réclamée ici dès le 26 août 1944 à l'encontre de tous les collabos. Par Marcel Villard, secrétaire général à la justice du gouvernement provisoire, mis en place par le général de Gaulle. Français, Françaises, à mesure que la nation se libère elle-même par son victorieux effort, avec l'appui de ses alliés, Elle exige avec plus de force le châtiment immédiat des traîtres et des profiteurs de la défaite. Elle attend de son gouvernement provisoire une fermeté inflexible et prompte à l'égard de tous ceux qui ont des comptes à lui rendre. Elle entend que les responsables, tous les responsables, soient mis hors d'état de nuire, hors d'état de se soustraire au sort qu'ils méritent. Voici donc le sort que la justice a réservé à cette brochette de courage fuyant. D'abord les politiques. Fernand de Brinon, partisan d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne dès les années 20, il représente le gouvernement de Vichy auprès des autorités allemandes à Paris. À Sigmaringen, il dirige la commission gouvernementale. Il est exécuté en 1947. Deux de moins. Joseph Darnand. Après Sigmaringen, où il fait office de ministre de l'Intérieur, il voit sa milice affectée à la division Charlemagne de la Waffen-SS. L'ancien héros de la Première Guerre mondiale et de la Drôle de Guerre part alors en Italie pour y traquer les partisans. Fait prisonnier par les Britanniques, il est condamné à mort et exécuté. Et de trois. Pierre Laval, bien qu'il ne participât pas au gouvernement en exil, il était juste présent à Sigmaringen. La chute du château fut aussi la sienne. Après une tentative ratée d'exil en Suisse, qui n'a pas voulu de lui, il s'est réfugié en Espagne, qu'il a remis aux autorités françaises le 2 août 1945. Il est fusillé le 15 à la prison de Fresnes, devant une butte qui avait servi aux Allemands de lieu d'exécution, notamment des résistants et des juifs, que le gouvernement de Laval leur avait livré. Et de quatre. Enfin Philippe Pétain, le morceau de choix de la brochette. À Sigmaringen, où il a été emmené contre son gré par les Allemands, il entre dans une forme de résistance passive. Il refuse de participer aux activités de la commission gouvernementale et il se cloître dans ses appartements. Condamné à mort, il verra sa peine commuée en emprisonnement à perpétuité. Il meurt à l'Île-Dieu en juillet 1951. Et maintenant les écrivains. Louis-Ferdinand Céline. Il arrive à Sigmaringen en novembre 1944 avec son épouse Lucette et son chat, Bébert. Il obtient un visa pour le Danemark en mars 1945. Il rentrera en France en 1951, amnistié. Trois de ses œuvres romancent son exil allemand, D'un château l'autre en 1957, Nord en 1960 et Rigaudon en 1969. Le septième, c'est Robert Brasillach. Normalien, écrivain, journaliste, profondément antisémite. C'est un ultra. Refusant de quitter la France à la libération, il sera condamné à mort. La demande en grâce de nombreux écrivains sera refusée par le général de Gaulle qui le confond sur une photo. Oui, il le prend pour Doriot qui posait en uniforme allemand. Et la presse est là, bien sûr, lors du procès de l'écrivain le 19 janvier 1945. Voici un extrait de ce qu'on lira le lendemain sous la plume notamment de Madeleine Jacob, de Franc-Tireur, le journal de la Résistance. On nous objectera peut-être que nous n'avons pas à reprocher à M. Brasillach qu'un délit d'opinion. Un délit de cette sorte, quand l'ennemi est là, cela s'appelle trahison. Qu'on ne vienne pas, au nom d'on ne sait quelle sensiblerie, d'on ne sait quel respect du génie littéraire, nous dire demain que Brasillach fait partie du patrimoine français et qu'on ne doit pas l'en retirer. Ainsi se termine la lamentable histoire d'une bande qui a fait main sur la France, complice de l'Allemagne nazie. Une bande dont la mort ne délivrera pas ses dirigeants du sceau de l'infamie, frappés ad vitam aeternam d'indignité nationale, terme officiel pour qualifier leurs crimes contre la République française et ses valeurs. How do you say auf Wiedersehen? To sing you'll never see again. The Wilhelmstrasse in the rain. The day we ran to catch the train that puffed along the River Seine. Remember Paris. And best of all, who could forget such memories? That crazy trip, how typical of us to miss the bus, the plane too. How do you say auf Wiedersehen to these? the wild times, the small things, that popular waltz of the day. It is. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Sigmaringen, on en parle avec notre invité, l'historien Jean-Paul Cointet. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez publié en 2014 le livre intitulé Sigmaringen chez Tempus Perrin. D'abord, qu'est-ce qui a présidé au choix de cette ville, Sigmaringen, pour accueillir ce qui restait de la France de Vichy? Eh bien, en fait, du côté allemand, ça n'a pas été si facile. Les Allemands avaient envisagé d'abord un repli du gouvernement français sur Belfort. C'est l'époque où Hitler pense à partir de l'est de la France faire une énorme contre-offensive, regrouper des forces, et finalement, on sait ce qu'il en est advenu. Les Ardennes. Il a donc fallu trouver autre chose, replier tout le monde sur l'Allemagne, d'abord Baden-Baden. Quant à Sigmaringen, il fallait trouver suffisamment de place, d'espace, pour loger tout ce monde. Et ça n'a pas été si facile d'ailleurs. Et au bout du compte, on a trouvé le château de Sigmaringen. Il n'était plus occupé car son propriétaire, le prince Hohenzollern, qui appartenait à la branche catholique des Hohenzollern, avait un immense château, mais il avait été éloigné par les Allemands. Il était en fait tout à fait éloigné des idées nazies. Donc il y avait de la place. Il y a un immense château monstrueux, en longueur, cela fait à peu près Versailles. Seulement, c'est biscornu, ça tombe dans tous les sens. En tout cas, il y a de la place, et on a pu loger tout ce petit monde. Voilà, ce château est planté sur un promontoire, devant le Danube, effectivement. Et c'est dans ce cadre que tout ce beau monde, si j'ose dire, se retrouve. Quelle était l'ambiance? Apparemment, il se tirait dans les pattes. C'était pas la bonne ambiance. Elle était très mauvaise entre tous ces hommes-là. Extrêmement mauvaise, parce qu'ils sont séparés depuis longtemps par des divergences d'opinion, d'attitude à avoir, ils ne s'aiment pas du tout. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils détestent Doriot, ça ils ne veulent pas en entendre parler, parce qu'il a toujours fait jeu à part par rapport aux autres, mais en fait ils ne s'aiment pas du tout. Imaginez qu'ils se retrouvent constamment ensemble pour parler de l'avenir, absolument pas. On s'évite le plus possible en réalité, et chacun se rencontre l'autre au hasard des couloirs, des interminables couloirs. L'ambiance est extrêmement mauvaise entre eux, et chacun cherche en fait à tirer son épingle du jeu sans grand espoir. Oui, parce que oui, effectivement, dessiner l'avenir dans ce contexte-là, ça ne devait pas être très, très motivant, je comprends, mais en même temps, est-ce que parmi ceux-là, il y en avait encore qui croyaient une victoire possible? Pardon? Est-ce que parmi cette brochette, certains pensaient encore une victoire possible de l'Allemagne, et donc au début, avec l'affaire montée par Hitler de la bataille des Ardennes, on y a cru, on a voulu y croire, car en réalité, quelle chance restait-il à l'Allemagne à cette date? Donc on y a cru au départ, Et puis petit à petit, les illusions se sont dissipées. Et dès les premiers jours du mois de janvier, en fait, il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là. Donc c'est une communauté très curieuse qui vit sans espérance, sans espoir. C'est une histoire étonnante que celle de ces hommes qui n'ont plus d'histoire et dont l'avenir est derrière eux. Bien sûr. Et Peta Sigmaringen se tait. Qu'est-ce qui explique cette attitude? Bon, vous savez, en fait, ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient pas davantage Pétain ni Laval. Mmh. Ils se sont retranchés. Pétain, dès son départ forcé de Vichy, a dit qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions. Et Laval a fait savoir à Pétain qu'il ne pouvait plus non plus exercer ses fonctions. Si bien qu'on a deux hommes qui ont, d'une certaine manière, donné leur démission de toutes affaires. C'est toutes affaires cessantes. Ils ne se voient plus, ne se fréquentent plus. Il y a eu un échange de quelques lettres, mais tout à fait sans portée, sans conséquence, sans suite. Donc c'est une histoire assez qui finit curieusement, car voilà deux hommes associés au pouvoir, bien qu'ils ne s'aimant pas, pendant 4 ans environ, et qui tout à coup ne président plus à rien du tout. Ouais, ils n'ont plus rien à se dire parce qu'ils n'ont plus rien à construire ensemble. Ils n'ont plus rien à se dire parce qu'ils ne veulent plus assumer quoi que ce soit et considèrent que toute rencontre serait privée de sens. Et effectivement, ils ne pèsent pas du tout sur ce qu'on peut considérer encore comme des événements à cette date. Jean-Paul Cointet, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Woodkid, Horizons into Battleground. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Jean-Paul Cointet, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez écrit en 2014 le livre intitulé Sigmarine Gunn. Dans ce casting, intéressons-nous à deux personnages politiques à prendre part à des écrivains. Fernand Brinon, qui lui n'arrive pas de Vichy mais de Paris, où il a occupé la fonction pendant l'occupation d'ambassadeur de France. La commission gouvernementale qu'il dirigeait, Sigmarine Gunn, qui fait donc office de gouvernement dans ce mouchoir de poche. À quoi s'occupe-t-il précisément? C'est quoi diriger cette officine? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas grand-chose. Mais c'est ce que je il pensais, essaie oui. surtout de sauver sa peau et sauver sa place, car en réalité, celui qui a été choisi, in fine, c'est Doriot, ça n'est pas lui. Hein. Dans les entretiens qu'Hitler a eus avec tous ceux qu'on retrouve dans la commission à Sigmaringen, il était bien entendu qu'au terme de ces entretiens, il y en a eu trois au total, il était entendu que ce serait Doriot qui dirigerait le mouvement, mais que dans l'immédiat, compte tenu de l'abstention du maréchal Pétain, en attendant que Pétain ait donné son accord à Doriot, ce serait une délégation, mais cette délégation n'avait qu'une durée très provisoire pour elle-même. Pour elle, le problème, c'était donc de faire avaler à Pétain la nomination finale de Doriot. Et de cela, il n'en était pas question. Non seulement parce que Pétain s'abstenait de tout acte, mais aussi parce qu'il détestait alors fondamentalement un homme comme Doriot. Donc en réalité, la commission était très limitée dans le temps. Et c'est Doriot qui devait ramasser la mise. Et alors, voilà pourquoi la mort de Doriot en février 45, la mort de Doriot a été immédiatement interprétée de différentes manières. C'était un coup des Allemands, mais il n'y a pas de raison pourquoi les Allemands aient supprimé Doriot alors que c'était leur poulain. Ou c'est un coup des Anglais pour mettre fin à tout ça. En réalité, c'est un avion vraisemblablement anglais qui a mis fin au jour de Doriot. Ah, c'est votre hypothèse. J'allais vous demander justement à propos de Doriot, quelle était l'hypothèse que vous reteniez. Darnand, un mot de Darnand. Darnand, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de sa malheureuse brigade allemande, pseudo-allemande ou franco-allemande, comme on voudra. Il s'en occupe, mais il n'a pas beaucoup d'autorité sur elle. Les vrais patrons, ce sont les Allemands. Donc il s'occupe comme il peut. Il gère les problèmes de toute la camarilla familiale, puisque la plupart de ces miliciens sont venus avec leur famille, avec leurs proches. Ils sont 2 ou 3 000 au moins à camper dans les environs immédiats de Sigmaringen. Et voilà ce qu'il fait. Il n'a pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce que sont devenus les miliciens dont vous parlez? Ces miliciens, ils viennent d'un peu partout. Il y a des hommes perdus, il y a des convaincus. On sait très bien que la milice, si elle a compté officiellement autour de 15 à 20 000 personnes, sur ces 15 à 20 000 personnes, il y avait au mieux quelques milliers de convaincus, équipés, plus ou moins. C'était la fameuse franc-garde. La franc-garde, c'était l'élément actif, l'élément militaire de la milice. Et on leur a mis la main dessus, à ces gens-là, à la fin ou pas? Ou ils se sont évanouis dans la nature, ou sont cachés en Allemagne? Il y en a qui sont évanouis dans la nature. Probablement, certains sont restés en Allemagne. D'autres ont été évidemment arrêtés, puisqu'ils n'avaient pas les moyens d'aller bien loin lorsque l'armée de l'âtre est arrivée à Sigmaringen, donc ils ont été faits prisonniers. Ils ont pu donner quelques informations, d'ailleurs certainement assez intéressantes. Et une partie, mais en très petit nombre, a été récupérée à la libération. On les a en quelque sorte absorbés pour en faire des combattants pour l'Indochine. Mais ça n'a pas été de loin le plus grand nombre. Alors, parlons des écrivains et évidemment de Céline. Est-ce qu'il avait un statut spécial à Sigmaringen? Est-ce qu'il était auréolé du statut de vedette, de grand écrivain? En dehors de Céline, je vois pas très bien qui on pourrait citer d'autres, vous savez. Oui, c'est un épisode quand même qui n'est pas glorieux pour ceux qui l'ont vécu. Donc, il n'y avait pas de saga à faire autour de ça. Quant à Sigmaringen même, c'était un petit trou insignifiant et ça n'a pas été. Et le château est hideux, est absolument hideux, c'est monstrueux, ça écrase la petite ville. J'y suis allé à deux reprises et c'est vraiment une impression assez curieuse. Oui, ce très grand château, effectivement, sur son promontoire. Mais je reviens à Céline. C'est monstrueusement hideux. Je reviens à Céline. Pardon? Je reviens à Céline, son comportement, oui. Sigmaringen. Comment il a vécu ce passage-là de sa vie? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en a dit? Bah, il en a parlé, mais en fait, le malheureux, il espérait se faire une autre position à Sigmaringen. Il espérait être bénéficier du titre, des fonctions, des avantages, y compris financiers, il en avait besoin, car il n'a pas grand-chose à ce moment-là, ses avoirs sont au Danemark principalement. Il espérait être nommé médecin officiel de la délégation. En fait, on lui a jamais reconnu ça, et il a vécu assez péniblement dans un des hôtels, je ne sais plus si c'est le Leuven ou le Behren, à Sigmaringen. En fait, il s'est pas fait tellement. Il n'avait pas de bonnes relations avec les gens de la commission. Il semble que celui avec lequel il a eu le plus de contact, c'est Paul Marion. Marion qui dirigeait l'information à Vichy. Il ne fait pas partie d'ailleurs officiellement de la commission. C'est Luchère qui s'occupait de ces problèmes-là. Il a eu de bonnes relations qu'avec Paul Marion. Absolument pas avec les autres. Mmh. La population allemande de Sigmaringen, voyait-elle d'un bon œil ces Français arrivés avec armes et bagages, épouses et enfants, ou est-ce que la population ça l'a laissé indifférente? Ouais, la population n'a pas bien vu de ces gens-là, les a pas. En fait, il faut bien voir, c'était un tout petit trou de 7000 habitants à l'époque, il doit y avoir 15000 à peu près maintenant, et donc voir arriver ces milliers de Français qui débarquent, qui ont quelques ressources, qui s'empiffrent dans les établissements, ils n'avaient pas la cote du tout. En plus, la population Sigmaringen n'avait rien du tout de nazi, c'était des gens très paisibles de Bavière, et voir arriver ces gens qui apparaissaient comme des convaincus pro-allemands et qui arrivent en Allemagne en espérant encore la victoire de l'Allemagne, vous imaginez d'ici la tête des gens. Oui, on peut effectivement imaginer. Ils se sont jamais intégrés, c'est évident, dans la population. Jean-Paul Cointet, il me reste à vous remercier pour les éclairages que vous avez apportés. Et si nos auditeurs ont été intéressés par cette histoire, je les renvoie à la lecture de votre livre, intitulé, je le rappelle, Sigmaringen. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Sigmaringen, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Adèle Kaglar qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe d'Affaires Sensibles pour la préparation des 5 émissions de la semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Juliette Proutot, Odile Conseil, Adrien Cara et Bertrand Rotet. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Marion Lelay, Benjamin Riquet, Coyen Guyenne.